Sésame et les lys. Des trésors des rois, des jardins des reines. Troisième édition. De John Ruskin. Traduction par Marcel Proust. Préface du traducteur. Sur la lecture. À Madame la Princesse Alexandre de Caraman-Chimay, dont les notes sur Florence auraient fait les délices de Ruskin, je dédie respectueusement, comme un hommage de ma profonde admiration pour elle, ces pages que j'ai recueillies parce qu'elles lui ont plu. Marcel Proust. Préface du traducteur sur la lecture. Il n'y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécu que ceux que nous avons cru laisser sans les vivre, ceux que nous avons passés avec un livre préféré. Tout ce qui, semblait-il, les remplissait pour les autres et que nous écartions comme un obstacle vulgaire à un plaisir divin, le jeu pour lequel un ami venait nous chercher, au passage le plus intéressant, l'abeille ou le rayon de soleil gênant qui nous forçait à lever les yeux de sur la page ou à changer de place, les provisions de goûter qu'on nous avait fait emporter et que nous laissions à côté de nous, sur le banc, sans y toucher, tandis que, au-dessus de notre tête, le soleil diminuait de force dans le ciel bleu. Le dîner pour lequel il avait fallu rentrer et où nous ne pensions qu'à monter finir tout de suite après le chapitre interrompu, tout cela dont la lecture aurait dû nous empêcher de percevoir autre chose que l'importunité, elle en gravait au contraire en nous un souvenir tellement doux, tellement plus précieux à notre jugement actuel, que ce que nous lisions alors avec tant d'amour, que s'il nous arrive encore aujourd'hui de feuilleter ces livres d'autrefois, ce n'est plus que comme les seuls calendriers que nous ayons gardés des jours enfuis, et avec l'espoir de voir refléter sur leurs pages les demeures et les étangs qui n'existent plus. Qui ne se souvient, comme moi, de ces lectures faites au temps des vacances, qu'on allait cacher successivement dans toutes celles des heures du jour qui étaient assez paisibles et assez inviolables pour pouvoir leur donner asile ? Le matin, en rentrant du parc, quand tout le monde était parti faire une promenade, je me glissais dans la salle à manger où, jusqu'à l'heure encore lointaine du déjeuner, personne n'entrerait que la vieille Félicie, relativement silencieuse, et où je n'aurais pour compagnon, très respectueux de la lecture, que les assiettes peintes accrochées au mur, le calendrier dont la feuille de la veille avait été fraîchement arrachée, la pendule et le feu qui parlent sans demander qu'on leur réponde et dont les doux propos vides de sens ne viennent pas, comme les paroles des hommes, en substituer indifférent à celui des mots que vous lisez. Je m'installai sur une chaise près du petit feu de bois dont, pendant le déjeuner, l'oncle matinal et jardinier dirait « Il ne fait pas de mal, on supporte très bien un peu de feu. Je vous assure qu'à 6 heures il faisait joliment froid dans le potager et dire que c'est dans 8 jours Pâques. » Avant le déjeuner, qui, hélas, mettrait fin à la lecture, on avait encore 2 grandes heures. De temps en temps, on entendait le bruit de la pompe d'où l'eau allait découler et qui vous faisait lever les yeux vers elle et la regarder à travers la fenêtre fermée. Là, tout près, dans l'unique allée du jardinet qui bordait de briques et de faïences en demi-lune ses plates-bandes de pensées, des pensées cueillies, semblait-il, dans ces ciels trop beaux. Ces ciels versicolores et comme reflétés des vitraux de l'église qu'on voyait parfois entre les toits du village. Ciels tristes qui apparaissaient avant les orages ou après, trop tard, quand la journée allait finir. Malheureusement, la cuisinière venait longtemps d'avance mettre le couvert, si encore elle l'avait mis sans parler. Mais elle croyait devoir dire « Vous n'êtes pas bien comme cela, si je vous approchais une table. » Et rien que pour répondre « Non, merci bien, il fallait arrêter net et ramener de loin sa voix qui, en dedans des lèvres, répétait sans bruit, en courant, tous les mots que les yeux avaient lus. Il fallait l'arrêter, la faire sortir et, pour dire convenablement « Non, merci bien », lui donner une apparence de vie ordinaire, une intonation de réponse qu'elle avait perdue. L'heure passait. Souvent, longtemps avant le déjeuner, commençaient à arriver dans la salle à manger ceux qui, étant fatigués, avaient abrégé la promenade, avaient pris par mes églises, ou ceux qui n'étaient pas sortis ce matin-là, ayant à écrire. Ils disaient bien « Je ne veux pas te déranger, mais commençait aussitôt à s'approcher du feu, à consulter l'heure, à déclarer que le déjeuner ne serait pas mal accueilli. On entourait d'une particulière déférence celui ou celle qui était resté à écrire, et on lui disait « Vous avez fait votre petite correspondance ?» avec un sourire où il y avait du respect, du mystère, de la paillardise et des ménagements, comme si cette petite correspondance avait été à la fois un secret d'État, une prérogative, une bonne fortune et une indisposition. Quelques-uns, sans plus attendre, s'asseyaient d'avance à table, à leur place. Cela, c'était la désolation, car ce serait d'un mauvais exemple pour les autres arrivants, à les faire croire qu'il était déjà midi, et prononcer trop tôt à mes parents la parole fatale « Allons, ferme ton livre, on va déjeuner ». Tout était prêt. Le couvert était entièrement mis sur la nappe, où manquait seulement ce qu'on apportait qu'à la fin du repas, l'appareil en verre où l'oncle, horticulteur et cuisinier, faisait lui-même le café à table, tubulaire et compliqué comme un instrument de physique, qui aurait senti bon, et où c'était si agréable de voir monter dans la cloche de verre l'ébullition soudaine qui laissait ensuite aux parois embuées une cendre odorante et brune. Et aussi la crème et les fraises que le même oncle mêlait dans des proportions toujours identiques, s'arrêtant juste au rose qu'il fallait avec l'expérience d'un coloriste et la divination d'un gourmand. Que le déjeuner me paraissait long! Ma grand-tante ne faisait que goûter au plat pour donner son avis avec une douceur qui supportait mais n'admettait pas la contradiction. Pour un roman, pour des vers, chose où elle se connaissait très bien, elle s'en remettait toujours, avec une humilité de femme, à l'avis de plus compétent. Elle pensait que c'était là le domaine flottant du caprice, où le goût d'un seul ne peut pas fixer la vérité. Mais sur les choses dont les règles et les principes lui avaient été enseignés par sa mère, sur la manière de faire certains plats, de jouer les sonates de Beethoven et de recevoir avec amabilité, elle était certaine d'avoir une idée juste de la perfection et de discerner si les autres s'en rapprochaient plus ou moins. Pour les trois choses, d'ailleurs, la perfection était presque la même. C'était une sorte de simplicité dans les moyens, de sobriété et de charme. Elle repoussait avec horreur qu'on mît des épices dans les plats qui n'en exigent pas absolument, qu'on jouât avec affectation et abus de pédale, qu'en recevant, on sortît d'un naturel parfait et parlât de soi avec exagération. Dès la première bouchée, aux premières notes, sur un simple billet, elle avait la prétention de savoir si elle avait affaire à une bonne cuisinière, à un vrai musicien, à une femme bien élevée. Elle peut avoir beaucoup plus de doigts que moi, mais elle manque de goût en jouant avec tant d'emphase s'étendante si simple. Ce peut être une femme très brillante et remplie de qualités, mais c'est un manque de tact de parler de soi en cette circonstance. Ce peut être une cuisinière très savante, mais elle ne sait pas faire le beefsteak aux pommes. Le beefsteak aux pommes, morceau de concours idéal, difficile par sa simplicité même, sorte de sonate pathétique de la cuisine, équivalent gastronomique de ce qu'est, dans la vie sociale, la visite de la dame qui vient vous demander des renseignements sur un domestique et qui, dans un acte si simple, peut à tel point faire preuve, ou manquer, de tact et d'éducation. Mon grand-père avait tant d'amour-propre qu'il aurait voulu que tous les plats fussent réussis, et s'y connaissait trop peu en cuisine pour jamais savoir quand ils étaient manqués. Il voulait bien admettre qu'ils le fussent, parfois, très rarement d'ailleurs, mais seulement par un pur effet du hasard. Les critiques toujours motivées de ma grand-tante, impliquant au contraire que la cuisinière n'avait pas su faire tel plat, ne pouvaient manquer de paraître particulièrement intolérables à mon grand-père. Souvent, pour éviter des discussions avec lui, ma grand-tante, après avoir goûté du bout des lèvres, ne donnait pas son avis, ce qui, d'ailleurs, nous faisait connaître immédiatement qu'il était défavorable. Elle se taisait, mais nous lisions dans ses yeux doux une désapprobation inébranlable et réfléchie qui avait le don de mettre mon grand-père en fureur. Il la priait ironiquement de donner son avis, s'impatientait de son silence, la pressait de questions, s'emportait, mais on sentait qu'on l'aurait conduite au martyre plutôt que de lui faire confesser la croyance de mon grand-père, que l'entremets n'était pas trop sucré. Après le déjeuner, ma lecture reprenait tout de suite. surtout si la journée était un peu chaude, on montait se retirer dans sa chambre, ce qui me permettait, par le petit escalier aux marches rapprochées, de gagner tout de suite la mienne, à l'unique étage si bas que des fenêtres enjambées, on n'aurait eu qu'un saut d'enfant à faire pour se trouver dans la rue. J'allais fermer ma fenêtre sans avoir pu esquiver le salut de l'armurier d'en face, qui, sous prétexte de baisser ses auvents, venait tous les jours après déjeuner fumer sa cigarette devant sa porte et dire bonjour aux passants, qui parfois s'arrêtaient à causer. Les théories de William Morris, qui ont été si constamment appliquées par Maple et les décorateurs anglais, édictent qu'une chambre n'est belle qu'à la condition de contenir seulement des choses qui nous soient utiles, et que toute chose utile, fût-ce un simple clou, soit non pas dissimulée, mais apparente. Au-dessus du lit à tringles de cuivre et entièrement découvert, au mur nu de ces chambres hygiéniques, quelques reproductions de chefs-d'œuvre. À la juger d'après les principes de cette esthétique, ma chambre n'était nullement belle, car elle était pleine de choses qui ne pouvaient servir à rien et qui dissimulaient pudiquement, jusqu'à en rendre l'usage extrêmement difficile, celles qui servaient à quelque chose. Mais c'est justement de ces choses qui n'étaient pas là pour ma commodité, mais semblaient y être venues pour leur plaisir, que ma chambre tirait pour moi sa beauté. Ces hautes courtines blanches, qui dérobaient au regard le lit placé comme au fond d'un sanctuaire, la jonchée de couvre-pieds en marceline, de courtes pointes à fleurs, de couvre-lits brodés, de taies d'oreiller en batiste, sous laquelle il disparaissait le jour, comme un autel au mois de Marie sous les festons et les fleurs, et que le soir, pour pouvoir me coucher, j'allais poser avec précaution sur un fauteuil où il consentait à passer la nuit. À côté du lit, la trinité du verre à dessins bleus, du sucrier pareil et de la carafe, toujours vide depuis le lendemain de mon arrivée, sur l'ordre de ma tante qui craignait de me la voir répandre. Une sorte d'instrument du culte, presque aussi sain que la précieuse liqueur de fleurs d'oranger placée près d'eux dans une ampoule de verre, que je n'aurais pas cru plus permis de profaner, ni même possible d'utiliser pour mon usage personnel, que si ça avait été des ciboires consacrés, mais que je considérais longuement avant de me déshabiller, dans la peur de les renverser par un faux mouvement. Ces petites étoles ajourées aux crochets qui jetaient sur le dos des fauteuils un manteau de rose blanche, qui ne devait pas être sans épines, puisque chaque fois que j'avais fini de lire et que je voulais me lever, je m'apercevais que j'y étais resté accroché. Cette cloche de verre, sous laquelle, isolée des contacts vulgaires, la pendule bavardait dans l'intimité pour des coquillages venus de loin et pour une vieille fleur sentimentale, mais qui était si lourde à soulever que, quand la pendule s'arrêtait, personne, excepté l'horloger, n'aurait été assez imprudent pour entreprendre de la remonter. Cette blanche nappe en guipure qui, jetée comme un revêtement d'autel sur la commode ornée de deux vases, d'une image du Sauveur et d'un buis béni, la faisait ressembler à la Sainte Table, dont un prie-Dieu rangé là tous les jours quand on avait fini la chambre, achevait d'évoquer l'idée, mais dont les effilochements toujours engagés dans la fente des tiroirs en arrêtaient si complètement le jeu que je ne pouvais jamais prendre un mouchoir sans faire tomber d'un seul coup image du Sauveur, vase sacré, buis béni, et sans trébucher moi-même en me rattrapant au prie-Dieu. Cette triple superposition enfin de petits rideaux d'étamine, de grands rideaux de mousseline et de plus grands rideaux de basin, toujours souriant dans leur blancheur d'aubépine souvent ensoleillée, mais au fond bien agaçante dans leur maladresse et leur entêtement à jouer autour de leurs barres de bois parallèles et à se prendre les uns dans les autres et tous dans la fenêtre dès que je voulais l'ouvrir ou la fermer, un second étant toujours prêt, si je parvenais à en dégager un premier, à venir prendre immédiatement sa place dans les jointures aussi parfaitement bouchées par eux qu'elles l'eussent été par un buisson d'aubépine réel ou par des nids d'hirondelles qui auraient eu la fantaisie de s'installer là. De sorte que cette opération, en apparence si simple, d'ouvrir ou de fermer ma croisée, je n'en venais jamais à bout sans le secours de quelqu'un de la maison. Toutes ces choses, qui non seulement ne pouvaient répondre à aucun de mes besoins, mais apportaient même une entrave, d'ailleurs légère, à leur satisfaction, qui évidemment n'avait jamais été mise là pour l'utilité de quelqu'un, peuplait ma chambre de pensées en quelque sorte personnelles, avec cet air de prédilection d'avoir choisi de vivre là et de s'y plaire, qu'ont souvent, dans une clairière, les arbres, et au bord des chemins ou sur les vieux murs, les fleurs. Elle la remplissait d'une vie silencieuse et diverse, d'un mystère où ma personne se trouvait à la fois perdue et charmée. Elle faisait de cette chambre une sorte de chapelle où le soleil, quand il traversait les petits carreaux rouges que mon oncle avait intercalés au haut des fenêtres, piquait sur les murs, après avoir rosé l'aubépine des rideaux, des lueurs aussi étranges que si la petite chapelle avait été enclose dans une plus grande nef à vitraux, et où le bruit de cloches arrivait si retentissant à cause de la proximité de notre maison et de l'église, à laquelle d'ailleurs, aux grandes fêtes, les reposoirs nous liaient par un chemin de fleurs, que je pouvais imaginer qu'elles étaient sonnées dans notre toit, juste au-dessus de la fenêtre, d'où je saluais souvent le curé tenant son bréviaire, ma tante revenant de vêpres, ou l'enfant de cœur qui nous portait du pain béni. Quant à la photographie par Brown du printemps de Botticelli, ou au moulage de la femme inconnue du musée de Lille, qui, au mur et sur la cheminée des chambres de Maple, sont la part concédée par William Morris à l'inutile beauté, je dois avouer qu'ils étaient remplacés dans ma chambre par une sorte de gravure représentant le prince Eugène, terrible et beau dans son dolman, et que je fus très étonné d'apercevoir une nuit dans un grand fracas de locomotives et de grêles, toujours terrible et beau, à la porte d'un buffet de gare où il servait de réclame à une spécialité de biscuits. Je soupçonne aujourd'hui mon grand-père de l'avoir autrefois reçu comme prime à la munificence d'un fabricant avant de l'installer à jamais dans ma chambre. Mais alors je ne me souciais pas de son origine, qui me semblait historique et mystérieuse, et je ne m'imaginais pas qu'il pût y avoir plusieurs exemplaires de ce que je considérais comme une personne, comme un habitant permanent de la chambre, que je ne faisais que partager avec lui, et où je le retrouvais tous les ans, toujours pareil à lui-même. Il y a maintenant bien longtemps que je ne l'ai vu, et je suppose que je ne le reverrai jamais. Mais si une telle fortune m'advenait, je crois qu'il aurait bien plus de choses à me dire que le printemps de Botticelli. Je laisse les gens de goût orner leur demeure avec la reproduction des chefs-d'œuvre qu'ils admirent, et décharger leur mémoire du soin de leur conserver une image précieuse en la confiant à un cadre de bois sculpté. Je laisse les gens de goût faire de leur chambre l'image même de leur goût et la remplir seulement de choses qu'ils puissent approuver. Pour moi, je ne me sens vivre et penser que dans une chambre où tout est la création et le langage de vie profondément différente de la mienne, d'un goût opposé au mien, où je ne retrouve rien de ma pensée consciente, où mon imagination s'exalte en se sentant plongée au sein du non-moi. Je ne me sens heureux qu'en mettant le pied, avenue de la gare, sur le port ou place de l'église, dans un de ces hôtels de province, au long corridor froid, où le vent du dehors lutte avec succès contre les efforts du calorifère, où la carte de géographie détaillée de l'arrondissement est encore le seul ornement des murs, où chaque bruit ne sert qu'à faire apparaître le silence en le déplaçant, où les chambres gardent un parfum de renfermé que le grand air vient laver, mais n'efface pas, et que les narines aspirent cent fois pour l'apporter à l'imagination qui s'en enchante, qui le fait poser comme un modèle pour essayer de le recréer en elle avec tout ce qu'il contient de pensées et de souvenirs. Ou le soir, quand on ouvre la porte de sa chambre, on a le sentiment de violer toute la vie qui est restée éparse, de la prendre hardiment par la main quand, la porte refermée, on entre plus avant jusqu'à la table ou jusqu'à la fenêtre. De s'asseoir dans une sorte de libre promiscuité avec elle sur le canapé exécuté par le tapissier du chef-lieu, dans ce qu'il croyait le goût de Paris, de toucher partout la nudité de cette vie, dans le dessein de se troubler soi-même par sa propre familiarité, en posant ici et là ses affaires, dans cette chambre pleine jusqu'au bord de l'âme des autres, et qui garde, jusque dans la forme des chenets et le dessin des rideaux, l'empreinte de leurs rêves, en marchant pieds nus sur son tapis inconnu. Alors, cette vie secrète, on a le sentiment de l'enfermer avec soi quand on va, tout tremblant, tirer le verrou, de la pousser devant soi dans le lit et de coucher enfin avec elle dans les grands draps blancs qui vous montent par-dessus la figure, tandis que, tout près, l'église sonne pour toute la ville les heures d'insomnie des mourants et des amoureux. Je n'étais pas depuis bien longtemps à lire dans ma chambre qu'il fallait aller au parc, à 1 kilomètre du village. Mais, après le jeu obligé, j'abrégeais la fin du goûter apporté dans des paniers et distribué aux enfants au bord de la rivière, sur l'herbe où le livre avait été posé, avec défense de le prendre encore. Un peu plus loin, dans certains fonds assez incultes et assez mystérieux du parc, la rivière cessait d'être une eau rectiligne et artificielle, couverte de cygnes et bordée d'allées où souriaient des statues, et, par moments, sautelante de carpes, se précipitait, passait à une allure rapide la clôture du parc, devenait une rivière dans le sens géographique du mot, une rivière qui devait avoir un nom, et ne tardait pas à s'épandre, la même vraiment qu'entre les statues et sous les cygnes, entre des herbages où dormaient des bœufs et dont elle noyait les boutons d'or, sorte de prairie rendue par elle assez marécageuse et qui, tenant d'un côté au village par des tours informes, reste, disait-on, du Moyen-Âge, joignait de l'autre, par des chemins montant d'églantiers et d'aubépines, la nature, qui s'étendait à l'infini, des villages qui avaient d'autres noms, l'inconnu. Je laissais les autres finir de goûter dans le bas du parc, au bord des cygnes, et je montais en courant dans le labyrinthe jusqu'à telle charmille où je m'asseyais, introuvable, adossé aux noisetiers taillés, apercevant le plant d'asperges, les bordures de fraisiers, le bassin où, certains jours, les chevaux faisaient monter l'eau en tournant, la porte blanche qui était la fin du parc, en haut, et au-delà, les champs de bleuets et de coquelicots. Dans cette charmille, le silence était profond, le risque d'être découvert presque nul, la sécurité rendue plus douce par les cris éloignés qui, d'en bas, m'appelaient en vain, quelquefois même se rapprochaient, montaient les premiers talus, cherchant partout, puis s'en retournaient, n'ayant pas trouvé. Alors, plus aucun bruit. Seul, de temps en temps, le son d'or des cloches qui, au loin, par-delà les plaines, semblaient teinter derrière le ciel bleu, aurait pu m'avertir de l'heure qui passait. Mais, surpris par sa douceur et troublé par le silence plus profond, vidé des derniers sons qui le suivaient, je n'étais jamais sûr du nombre des coups. Ce n'étaient pas les cloches tonnantes qu'on entendait en rentrant dans le village, quand on approchait de l'église qui, de près, avait repris sa taille haute et raide, dressant sur le bleu du soir son capuchon d'ardoise ponctué de corbeaux. Faire voler le son en éclats sur la place pour les biens de la terre. Elles n'arrivaient au bout du parc que faibles et douces, et ne s'adressant pas à moi, mais à toute la campagne, à tous les villages, aux paysans isolés dans leurs champs. Elles ne me forçaient nullement à lever la tête. Elles passaient près de moi, portant l'heure, au pays lointain, sans me voir, sans me connaître et sans me déranger.